Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. L'apparition du saxophoniste Albert Ayler sur la scène du jazz n'a pas laissé indifférent. Il provoqua passion, colères et sarcasmes et fut accusé de jouer une musique de cirque alors que cette personnalité dérangeante était en quête d'un ailleurs sonore. Son premier passage à Paris en 1966 déclencha un scandale et fit qu'un éventuel retour d'Albert Ayler en France demeura inconcevable jusqu'au jour où il fut invité par Daniel Coe à Saint-Paul-de-Vence en 1970. Durant deux concerts, Ayler embrase les nuits de la Fondation Mag. Il est rappelé 6, 8, 10 fois et recueille le premier grand triomphe de sa carrière avant de mourir quelques mois plus tard, à seulement 34 ans, mystérieusement noyé dans le port de New York. L'année suivante, Daniel Coe consacrait deux ateliers de création radiophonique à l'artiste maudit, auteur d'une œuvre dense et intense. Cette nuit, premier temps, Spiritual Unity, avec Albert Ayler, ainsi que les témoignages de Don Cherry, Milford Graves, Beaver Harris, Sonny Murray, Archie Shepp et Alan Silva. On y entend également Bernard Stallman, avocat et grand amateur de musique, qui fonda le label ESP en 1964, sur lequel Ayler enregistra la même année Spiritual Unity. Ce label devint dès lors une des meilleures vitrines de la New Thing ou Free Jazz, dont le slogan « De votre vie, vous n'avez jamais entendu de tels sons » ne peut trouver de meilleur écho que dans la musique incandescente d'Albert Ayler, dont Don Cherry disait « C'est par son immortalité qu'il nous donne la vie ». ORTF, atelier de création radiophonique. Atelier de création radiophonique. My name is Albert Ayler. First part, Spiritual Unity. Par Daniel Coe, René Farabet, Jean-François Vallée. Assisté de Janine Antoine, Janine Groléas, Viviane Vandenbroek. Collaboration technique, Liliane Ozel, Marcel Grenier. Avec Roger Brett, Michel Garland. Témoignage. Mucky, Don Cherry, Milford Graves, Beaver Harris, Sonny Murray, Archie Shepp, Alan Silva, Bernard Stallman, John Chikai. Texte, Le Roi Jones. Enregistrement. Summertime, Witches and Devils, New York Eye and Air's Control, Ghosts, Bells, Spirits Rejoice, Truth is Marching In. Document retrouvé. 1964, Hilversum, Copenhague. 1965, Black Art avec Le Roi Jones. 1966, Stockholm, Paris. Avec Albert Ayler. Thank you. born in Cleveland, Ohio. Je suis né à Cleveland, dans l'Ohio, le 13 juillet 1936. Albert Ayler. And my father, he played mon père jouait du saxophone, violin, du violon, and a et c'était aussi un and chanteur. He wasn't very popular, you know, like all over the world, but il he was pas just connu local. Dans le monde entier, mais sur le plan local, il était très populaire. Donc, when I was born, he wanted me quand to je suis né, son désir était que moi je sois connu dans le monde entier. And my mother, she was just a mother. Ma mère, she ce n'était qu'une a, mère. You know, elle n'avait pas d'inclination artistique. She was just a mother. C'était juste une mère. And so when I was, three years old, trois ans, I used to listen to music played by Lionel Hampton. Je commençais à écouter la musique jouée par Lionel Hampton. And I used to go back. Mes parents avaient un grand poste de radio, et moi j'allais derrière pour voir d'où venait la musique. Et quand je mettais la main là derrière, je ressentais toujours un choc. And my mother would hit my hand, saying, ma mère me tapait sur la main en me disant non, fais pas ça. But she didn't understand mais elle ne savait pas que très jeune déjà j'étais un artiste à cause de mon père. Like at 4 years old, I started playing. I have a footstool. À 4 ans, small footstool I used to sit on when j'avais I was un petit little tabouret. Boy. Sit on. I start pick the footstool up je and play along with Benny Goodman when he would et je be playing dessus on the radio. En écoutant la musique play de Benny Goodman lorsque sa musique passait à la radio. And then my father said, "It's talent. He has talent. Disait, and maybe il a, il a du talent. Il a du talent. Il sera music, peut-être so. Un artiste." At 11 years old, I started Benny Miller's academy. Je suis allé à l'académie Benny Miller. Mon père ne pouvait plus rien m'apprendre. At the age of 9, I was reading music like that. Je lisais déjà la musique comme ça. Reading, I was ahead of what I was doing, you know, at the age of 9. J'étais en avance. At the age of 10 years old, I studied at the Benny Miller Academy. Benny Miller was a man who had played Charlie Parker, Miles Davis, at the club in Cleveland, dans un club de Cleveland, Tijuana, club in Cleveland, Tijuana, and his people was very rich. Cet homme était très riche. Very rich. So I studied at the academy there in music, and I studied there about, we'd say, 7 years. J'ai étudié à cette académie pendant 7 ans. And about that time, à ce moment-là, I started sitting in. Je commençais déjà à jouer un peu avec les autres musiciens. À 15 ans, j'étais déjà un peu connu localement. À 16 ans, that's when I started. I met Little Walter. J'ai fait la connaissance and, de Little Walter. Lloyd Price. Et Lloyd Price. I played just would sit in clubs. Je jouais avec eux dans des petits clubs. Je ne savais pas où ça devait m'emmener, où la musique m'emporterait. Exactly. J'ai commencé à fréquenter ces clubs, à jouer un peu à l'improviste avec différents musiciens. Et de fréquenter ces clubs, de jouer avec des gens, ça a changé ma vie. Started traveling with Little Walter. Alors j'ai commencé à faire des tournées avec Little Walter. À l'âge de 17 ans. Like I was not out of school yet. J'étais encore au lycée. I was still in high school. So while playing with him, the going was tough for me. C'était difficile pour moi de comprendre what it was in the music, ce qu'il y avait dans la musique, ce que ça serait pour moi. So abruptly, because faire des tournées, c'était dur. Saginaw, Michigan. Un soir, on jouait one dans night, le Michigan, travel, puis ensuite, il fallait voyager all toute night la nuit. Long, they would be drinking, les musiciens sleep, buvaient, driving. Dormaient en conduisant. Say, music, je me disais, c'est music? Ça la musique, mais qu'est-ce do que c'est live like this? Il faut que je vive comme this? Ça, mais qu'est-ce que you c'est know, but it was, non, it was c'était okay bon. Because it was a good experience. C'était une bonne expérience pour moi. Let's see. I had formed a little band myself in Cleveland. J'avais formé un petit orchestre à Cleveland. Formed a little band myself. On jouait du rhythm and blues. Do something with that, you know. Je pensais alors que je pourrais peut-être faire quelque chose avec ça. The living was it wasn't the kind of thing I had pas du tout la façon de vivre que j'avais connue. I knew it was a little bit different. C'était différent. Playing on the corner ça voulait dire jouer au coin de la rue. I said, well, maybe I could better je pensais que je pourrais peut-être améliorer ma situation. when I was 22, à 22 ans, je suis parti pour l'armée. You know, everybody said, you're crazy, you get killed, you die. Tout le monde me disait, mais tu es fou, tu seras tué, tu vas mourir. I joined the army to be around je m'en moquais. People, you know, that play music. Ce que je voulais, c'est d'être avec des gens qui jouent de la musique, qui s'intéressent à la musique. I had a tough CEO. He was a tough guy, you know. Mon supérieur était un homme très dur, très difficile. Il m'a dit, Albert, ça ne va pas. Reading, because when you en play, effet, à cette époque, je lisais très lentement. In Cleveland, it was, we play jam, we play car lorsqu'on we joue feel, à Cleveland, on joue jam. On ne lit pas quelque paper. Chose sur un papier, you know, on joue so ce que l'on sent. Okay, we'll keep you in the band. Dit, so I went to B2, on va te garder quand même dans le training. Groupe. Unit in je suis allé au BTU, unité d'entraînement dans le groupe nothing. De jazz. Is, et lire, mais c'est la chose la plus facile au monde une fois qu'on s'est familiarisé. You know, so I started reading and everything was good in the army. J'ai donc commencé à lire et tout allait bien. We would play six hours. On avait six heures de répétition. Yeah. Oui. C'était à Orléans. Say like 6 hours, then et après ces 6 heures, I would practice at night. Je répétais encore la nuit. Hard. I would play. I'll play the scale, not per note, but I would just get one sound. Je jouais les gammes, sound, pas note par note, mais juste un son, kind of avec des diminutions, pour me familiariser dans l'espoir d'être un jour un grand artiste. I was car à cette époque, je n'étais rien. Comme j'étais en France, je pouvais venir à Paris jouer dans les clubs. Quand je suis allé en Suède, c'est là où j'ai commencé à faire quelque chose de tout à fait différent. Les gens me disaient, mais c'est très beau. Et je disais, c'est beau. This is what you feel is beautiful. Il me disait, mais c'est ce que vous sentez, non? C'est vraiment beau. Et moi, je me dis, là, j'ai peut-être quelque chose. Et à cause de ce qu'il m'avait dit, je pensais, lorsque j'aurais quitté l'armée, je reviendrais vivre chez ces gens, je resterais un moment. Parce qu'ils étaient différents. Musically to me because et que c'était très bon musicalement pour moi. Say, no good, I would quelquefois cry. Lorsque je jouais, les gens because disaient c'est mauvais. Alors je pleurais. That's all I could feel is what I play, so. Car c'est tout ce que je sentais que je jouais. Puis je suis reparti d'Orléans et j'ai quitté l'armée en Californie. Là, j'ai fait la connaissance de Red Fox, Renard Rouge. Je ne sais pas si vous connaissez. Je jouais et tous les musiciens noirs disaient bah. Mais Red Fox, lui, m'a dit, si tu y crois, tu le joues. De sa part, c'était plutôt gentil. Lorsque je suis arrivé à Cleveland, j'ai dit à ma mère que je voulais retourner en Suède et vivre là-bas. J'ai dit, fini ici, fini avec cette mentalité stupide, je veux partir en Suède. Elle m'a dit, tu es fou, tu ne peux pas me quitter. J'ai dit, mais il faut que je m'en aille là où les gens me comprennent. Car moi-même, je ne me comprenais pas très bien. La musique, ce n'était pas encore tout à fait formulée dans ma tête. Je la jouais, mais elle venait lentement. J'ai pris l'avion pour la Suède. It was kind of like that, so I had to play commercial music. Il a fallu que je joue de la musique commerciale avec. Guys from Ken Hunter was his name. Ken Hunter. I had to play commercial, calypso, and whatnot, but I hated to play that. Je détestais jouer ça. I hated to play that, so every chance I would get, I would go to the old town. Alors à chaque fois que je le pouvais, j'allais dans la vieille ville jouer pour les jeunes. Play for the young people, the very, very young people, and then. After a while, a guy met a guy named Bert Nordstrom. Au bout d'un certain temps, j'ai fait la connaissance de Bert Nordstrom. Il m'a dit, Albert, je veux que vous fassiez un disque. Make a record then because I felt I wasn't developed like I wanted to be developed. Car à ce moment-là, je n'étais pas développé comme je voulais l'être, vous comprenez? Il m'a dit, mais c'est nécessaire, il faut faire un disque. Alors je suis allé dans un studio. It was like 25 people there. Et je jouais devant 25 personnes. Les gens sérieux, tous des artistes. Ordinary people, you know. So I made the record, and he said, j'ai donc fait le disque. Et il m'a dit, c'est bon, c'est bon, c'est très bon. I said, oh, it's okay. Et moi je dis, bon, c'est ok. Was made. Denmark called me, wanted me to make a radio Danemark show. Ole Vestergaard, Ole Vestergaard. On m'a demandé de faire une émission pour la radio antique qui s'appelait Ole Vestergaard. Money to m'a dit, make tu viens radio, ici, on te donne un peu d'argent et tu feras ta radio. After I made the record in Sweden, I went to Denmark. Alors, après avoir fait ce disque en Suède, j'étais au Danemark. Show. When I played the radio show, j'ai fait la radio. We must make a record. It's Bye Bye Blackbird, Summertime. Il faut qu'on fasse un disque Bye Bye Blackbird, Summertime. CT is all beautiful, all beautiful. You know, so. After I finished there, I was playing in a place in Sweden, un endroit en Suède, close to Denmark. It was like very cold. Près and I was Danemark. Playing with a guy named Candy Green. Avec un He's gars a qui guy from Candy Texas, Green. Sing like Ray Charles. Un gars qui venait du Texas, qui yeah, chantait we would comme play Ray there. Charles. They would give ouais, us, on jouait là-bas. Two meals a day. Deux we'd have to be jour. There at noon to play. Il fallait qu'on noon to play, à midi and then we'd play at, pour jouer at le night. Soir. So when I tell Candy Green I must go to play the radio. So il faut que j'aille faire ma radio. In Denmark. So when I go play the radio tape, alors je suis allé I played faire the radio tape Danemark, and when I come back, puis je suis revenu. I didn't speak to him. Et I couldn't speak to him. Parler. I had to go to America. Parce que je venais de connaître un gars qui s'appelait Cecil Taylor. Thank you. like if you listen to the, like the only way we can really document that Alan Silva is through recordings. And in the first recording he made, I think was the first time I heard it was je crois que le mieux serait d'écouter ses disques. It's just fantastic. Et le premier disque qu'il a fait, My Name Is Albert Ayler. What he does to I think he plays a Green Dolphin Street. You know what I mean? I mean, this album is important because everyone should hear that album because then they would understand. C'est un album très important. It wasn't freedom within a, like an organized tradition. It was a freedom that came from knowing. Ce n'est pas la liberté à l'intérieur d'une tradition organisée. C'est la liberté qui vient d'une connaissance. La connaissance de Charlie Parker, par exemple. What you can say. You know, like what makes a jazz really great jazz performer is not what he may say technically on his horn, but like what he he's trying to say of himself, because there's so ce n'est pas une liberté qui est liée à ce que vous savez techniquement. Ce qui fait vraiment les grands musiciens de jazz, ce n'est pas ce qu'ils disent techniquement, sur le plan technique, mais ce qu'ils essaient de dire d'eux-mêmes. Point in which he knew that he had to create something rare or something of himself. Bien sûr, en fait, il a été influencé par toute la tradition. Not too many musicians reach that point. Mais c'était intégré. So involved, maybe with technical problems. Il a sûrement écouté tous les grands musiciens. Maybe technical problems 90% of their time. Mais lui a vraiment perçu ça. The spiritual, the metaphysical part of their existence. Et il a établi sa philosophie dans le cadre d'une création de quelque chose de rare. My name is Albert Ayler. Mon nom est Albert Ayler. I played back when I was about 8 years old. Je jouais quand j'avais 8 ans. Made me play the saxophone. Mon père m'obligeait à jouer du saxophone, etc. High school. Quand j'étais au lycée, la première année. J'ai joué then au on bois. Through high school, I played et golf après, also. J'ai joué au golf. And when I graduated from high school, I went to the college for one year. But et après, je suis allé au collège. Money je suis allé une année. Wasn't strong comme enough, l'argent manquait, leave, college. J'ai dû le quitter. So therefore, I had to think of a different way to go. So from there, alors, I j'ai went dû penser to à quelque chose de différent. The army, and I stayed for je suis rentré a à l'armée. While, and there I developed and met quite a few et c'est là que je guys, me suis développé. J'ai rencontré pas mal de bons musiciens. Ils m'ont aidé, je les ai aidés. And I had always wanted to come to the Scandinavian. J'ai toujours voulu venir dans les pays scandinaves. I heard a lot about the Scandinavian. J'en avais beaucoup entendu parler. So I had my opportunity. Et c'était là mon occasion. Quite a bit of money. J'ai fait des économies. Et quand je suis arrivé, je me suis tout de suite senti libre. Un jour, les choses seront comme elles devraient être. Ce qui s'est passé, c'est que Sonny Murray nous a entendus en Suède. On jouait seulement la batterie, le piano et l'alto. Al n'a pas vraiment joué avec l'orchestre. Je sentais vraiment qu'il y avait une réponse. Il y avait quelque chose de... une aura un peu étrange, un peu comme avec une femme. Quand tout un orchestre tombe amoureux d'une femme, sans trop savoir ce que c'est que l'amour. En fait, Cécile l'a laissé jouer, et j'ai jamais rien entendu de pareil. how I felt him as a kid, you know. Moi, je voulais jouer un peu comme je jouais quand j'étais gosse. Avec Cécile, j'avais un rapport assez direct. Mais avec Al, c'était comme s'il y avait un accord tacite. Il disait qu'on allait essayer de faire quelque chose de nouveau. Lui, ténor, et moi, à la batterie. Summertime, Copenhague, janvier 1963. Albert Ayler, saxo-ténor, Nils Brunstad, piano, Nils Henning Ørsted Pedersen, basse, Ronnie Gardiner, drums. Thank you. I think I met Albert Ayler for the first time in 1960 or 61. John Chikai. Small restaurant in Copenhagen called J'ai rencontré Albert Ehler pour la première fois en 1961 dans un petit restaurant à Copenhague. Chaque dimanche, il y avait une jam session. Albert Ehler venait de Suède. Il avait travaillé là-bas en plusieurs endroits. Il lui était arrivé pas mal de choses et je crois même qu'on l'avait chassé d'un de ses jobs parce qu'on ne comprenait pas ce qu'il faisait. To this restaurant and played with us, and many people thought it was very strange. And of course, il est venu à Copenhague. Il a joué avec nous. Et beaucoup de gens pensaient que sa musique était très étrange. Bien sûr, moi j'ai immédiatement beaucoup aimé et j'étais très heureux qu'il joue avec nous. I have been happy to play with Albert Ayler when I have done it. I have done it several times in New York. And also in Copenhagen, of course. C'était formidable de jouer avec Ehler. There was a time when, ça m'est arrivé plusieurs fois de jouer avec lui, à New York at the Montmartre et aussi à Copenhague. There was some talk about. He was there just with. Je me souviens une fois, Cecil Taylor jouait au club de jazz Café Montmartre avec Sonny Murray et Jimmy Lyons. Et on se disait qu'Albert Ehler allait aussi rejoindre le groupe. Mais peut-être ceux-ci n'avaient-ils pas assez d'argent. Aussi, en fait, Albert Ehler restait là sans être payé. Et il a commencé à jouer avec Cecil. Mais on ne le payait pas. The times where they had what they called the October Revolution. I'm so lucky that I both have from puis, one of the concerts there at ce qu'on a appelé la révolution d'octobre. Cellar at the 91st Street and I think it was Broadway. Un concert sur la 91e rue that, à Broadway. C'était bien. On a vraiment eu du très bon temps à la 91e rue. J'aimais beaucoup Cecil Taylor, mais il était trop dur pour moi. Albert Ayler, un très grand artiste. C'était vraiment un grand artiste. De retour aux USA, j'ai joué avec Cecil Taylor au Take 3 à Olfie et Coltrane venait souvent nous écouter. Il y avait Sonny Murray, Jimmy Lyons, Henry Grimes, moi-même et Cecil. C'était bien. Eric et Coltrane venaient nous écouter. Ils savaient que c'était une musique nouvelle. Ils ne la comprenaient pas, mais ils la sentaient. And Cecil would, we would make $5, and he would give it to us. He had nothing. Cecil, lui, n'avait rien du tout. He would give us a dollar for food the next day, so we would come back the next day with him because he loved music more than maybe the other musicians. Encore plus qu'aucun autre musicien, je pense. Sonny Murray. Quand on est revenu, un peu après, il y a eu une partie, une surprise partie pour la sortie du livre de Leroy John, Flying Dutchman. Et il a joué pour cette partie. Leroy John publiait, il y a eu plusieurs parties parce que Leroy John sortait des séries de livres à ce moment-là. À une des parties, un jour, il y a un type qui est arrivé, il dit qu'il n'aimait pas la musique, on est sorti dans la rue, on a commencé à se battre, le nez éclaté, le type s'est excusé, on est parti à l'hôpital. Je suis revenu, Albert est revenu avec un poncement sur la gueule. Puis on a quand même recommencé à jouer. C'était une nuit très spirituelle. À se battre pour la musique, c'est ça. That was very funny. But you know, we got in so funny incidents like that in Scandinavia because we were like, I mean, we were just like two kids. C'était un peu pareil. C'était souvent la même chose en Scandinavie. On était un peu comme deux gosses. About it, but it was a nice feeling. I mean, talking about Al right now is a nice feeling. Je me sens bien de parler d'Albert en ce moment. I live with all of the spirits that go away that were strong. You know, je vis avec son esprit, sa présence. I met Albert Eiler in 1963. Alan Silva. In a small club, right here in the lower East Side. I was working in. J'ai rencontré Albert Eiler pour la première fois en 1963. Dans un petit club, dans le Lower Side, l'Oignon Pourpre. C'était un endroit plus ou moins de striptease, pas vraiment, enfin plutôt un piano bar. Pendant les week-ends, on allait dans l'arrière-salle et on jouait avec le piano, la basse et la batterie. Un jour, Heller est entré là et il a parlé au type qui était au piano et il lui a demandé « Je voudrais jouer ». Well, you got to remember that this room that we're in, like a piano bar room. If you know piano bars, everybody says, "What tune do you want?" You know, like a popular tunes. You know, but at that particular time on the weekend, we could play a little bit more freer in the sense that we would play. And et nous étions là tous dans ce piano bar. And Albert Eiler began to play the tune, and actually he played 19. On a commencé à accorder nos instruments. Et Albert s'est mis à jouer Night in Tunisia. C'était la première fois que j'ai eu l'occasion de jouer avec lui. C'était une expérience fantastique. La première fois que j'ai entendu sa musique, la musique de Monsieur Eiler, Archichep. C'était un concert à la vieille Jazz Gallery. Je connaissais avant. Je l'avais entendu jouer, mais je n'avais jamais vraiment joué avec lui. À cette époque, il y avait deux ou trois groupes qui jouaient à la vieille Jazz Gallery. Le sien et le mien. J'avais été très impressionné par sa musique. Je me souviens, quand il a commencé à jouer, tout l'auditoire s'est tout d'un coup arrêté. Silence s'est fait. Tout s'est arrêté. Sonny Murray était à la batterie avec lui. Il jouait quelque chose de complètement différent de tout ce qu'on avait entendu jusqu'à présent, jusque-là. Même ma musique. Je savais, enfin je connaissais ce qu'ils jouaient, mais je ne jouais pas ce genre de musique. Je me souviens, on avait joué un morceau de Sonny Rollins. At that time, I was more interested in working out certain fundamental things. Et à ce moment-là, j'étais à la recherche de certaines choses fondamentales. Plus proche de ce que faisait Sonny Rollins, qui est aussi un des plus grands. And really, an understanding of the saxophone isn't complete unless one does understand. Et je crois qu'on peut pas très bien comprendre le saxophone. Albert was playing completely different. When I say that, I mean. It was so different that everybody stopped. Pourtant, celle de musique d'Ayler était vraiment différente, si différente que tout s'est arrêté pour écouter ce qu'il jouait. Pipes were bursting and things were blowing up and c'était comme si tout explosait. You know, this is the way he and Sonny were playing that night. C'est comme ça qu'ils jouaient, lui et Sonny. Very exciting music. C'était fantastique. In fact, I learned something that night. En fait, j'ai appris quelque chose. What I learned was how well I could play. J'ai appris en fait comment je pouvais jouer. Because it didn't mean that Albert wasn't playing very beautifully, which he was. But Albert was playing, was singing that night, yes, he was. It was just that I found his music very refreshing. J'avais trouvé sa musique très rafraîchissante. An original black experience. Une expérience noire vraiment originale. I learned from. Quelque chose qui m'a appris que somebody was there, really there. Yes. Not that Albert Ayler was an influence in that sense. Bien sûr, Albert Ayler avait aussi été influencé, mais pas comme par un professeur, plutôt comme un collègue. Je suis sûr que moi-même, par exemple, j'ai influencé une partie de ses musiques. Il y a ce genre de rapport entre les musiciens. Ce que j'aimais dans Ayler, c'était sa fraîcheur et son énergie. Il se donnait tout dans le moment. Et j'ai compris ça. Because at that time, I suppose we were both working with some of the similar ideas. On avait des idées un peu semblables. Techniquement, je faisais ce que j'avais à faire, mais. Of course, I would have been into it that time. But I learned something quelque chose sur le. J'ai appris un principe que personne d'autre faisait. C'était le fait qu'il était complètement lui-même. Il comprenait, les anthèmes, il avait dans sa tête toute cette période. Cette période religieuse. Sonny Murray. Que l'Amérique n'a jamais vraiment compris. Parce qu'on est passé directement de cette période religieuse dans les années 20, les années folles. Le jazz, le bebop. Et on l'avait oublié. Et avec Al, on arrivait à capturer cet esprit, enfin l'air de ces airs religieux. C'est comme s'il avait les airs, par exemple, des anciennes funérailles de cette époque-là dans sa tête. C'est comme s'il avait déjà entendu, comme dans un rêve. Il les attrapait dans l'air. Par exemple, dans le morceau « Diable et sorcière ». C'est vraiment un album effrayant, effrayant dans un sens chouette, tellement passionné, fort. C'est difficile à dire en mots. White Cheese and Devils. Albert Ayler, saxo ténor. Norman Howard, trompette. Thank you. À la fin de 63, Bernard Stolman. Je suis allé à Harlem, un club. Un ami, un copain, un musicien, he had a small concert, and there was il y avait Elmo Hope et Davis, et il a insisté que j'y aille. Et je suis allé, c'était Noël, et très sombre et très froid. Il n'y avait personne dans le club, sauf les femmes des musiciens, les musiciennes même. Et on a joué pendant 3 heures. Et à la fin, juste à la fin, j'ai remarqué un tout petit homme, vêtu d'un complet de cuivre, gris, avec un saxophone qui était énorme. Et ça m'a stupéfié, parce que les doigts couraient tellement vite et la musique était comme un comme un flood de son. C'est merveilleux. Les autres musiciens l'ont remarqué, aussi étonné, et Monsieur Hope il a fermé le piano, le couvert du piano. Richie Davis a mis son contrebasse sur le plancher, et on s'est installé dans le club, dans les chaises, pour écouter M. Eiler seul, pendant 20 minutes. Il semblait comme 10 secondes, tellement magnifique. La sueur est tombée de son visage. Et, vous savez, c'était pas chaud dans le club, mais et à la fin, il est descendu et on m'a présenté, on m'a introduit à M. Eiler. Et je suis entendu en disant, enchanté de faire votre connaissance, M. Eiler. Je commence une compagnie de disques et je veux bien que vous soyez le premier artiste. Spontané. Mais tout de même, c'était vrai. Après, il était très, très gentil. 6 mois après, 7 mois après, après plusieurs coups de téléphone, je l'ai convaincu de faire le tournage. C'était juste avant son départ pour l'Europe. Le jour avant, je ne savais pas du tout ce qu'il devait faire. Je n'ai pas demandé. Il était très heureux, évidemment, que je ne je posais pas des conditions, que je ne demandais pas n'importe quoi, qu'il fasse le chose. Et le jour de l'enregistrement, Gary Peacock est arrivé, cette figure très, très mince et long, blanc, ce blanc, très fragile, qui avait l'aspect de très, très pâle et très fragile. Et après lui, est venu Sancho Panza, de Sonny Murray, le grand walrus, vous savez, et le batteur. Et enfin, Albert est arrivé un peu en retard. Et le studio était un tout petit studio pas très prétentieux. Et l'ingénieur ne savait pas du tout, il provenait pas du tout, il n'a pas prévenu le caractère de l'enregistrement. Et le moment où ça a commencé, il a sauté de la chambre, il a dit « Ah, je ne peux pas écouter ça. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est affreux, c'est horrible. Qu'est-ce que vous faites là ?» Et j'ai dit « Non, soyez tranquille, c'est très bien, c'est magnifique. » Et J'étais là avec deux amis, la femme de Gary Peacock, Annette, et un écrivain, un journaliste. Et j'étais absolument ravi. Il a commencé, il n'a pas cessé, vous savez, pendant 20 minutes. Voilà. Et après, on a, vous savez, on a attendu quelques instants, on a changé les bandes, on a recommencé. En principe, la même chanson, vous savez, mais assez différent. Fantastique. On s'est retiré après à un tout petit restaurant. On a été payé là, on a payé, et les autres deux, on était en très très bonne humeur. Et le jour suivant, je les ai conduits à l'aérodrome, mais I was beside myself. Joyeux. Et je me suis dit, ah bon, c'est un très bon commencement pour un interprète. Sonny Murray. Changing mood plays a part. Pour lui, oui. Changer d'humeur, c'était important. C'était ça. Quelquefois, on avait l'impression qu'il n'était pas ici. Il n'était pas de là. On ne pouvait pas dire d'où il était. Il était ici, il n'était pas ici. Il y a des moments où il croyait vraiment, lui-même, qu'il n'était pas ici. On croyait qu'il pensait vraiment qu'il était mort. Il me disait, t'inquiète pas, je suis déjà mort. Et il m'entraînait un peu dans cet état d'esprit. Puis j'ai compris ce qu'il voulait dire par là. Au début, je ne comprenais pas. Je pensais que c'était une expression d'argot. Mais il voulait dire... Je ne sais pas très bien ce qu'il voulait dire, peut-être. Mais enfin, c'était une expression. On avait beaucoup d'expressions comme ça. Par exemple... Quand on dit que c'est quelque chose, ça veut dire quelque chose, et en fait, ça veut dire quelque chose d'autre. Et pour moi, j'ai pris un moment à comprendre cette philosophie. Puis au bout d'un moment, j'ai compris, je l'ai vu très clairement. Et on est allé dans cette direction. Et pour nous, c'était comme vraiment le point le plus court entre nos deux compréhensions. Pour nous, sa philosophie, c'était cette philosophie, c'était comme ça qu'on se comprenait. Your situation on the level of, on the terms of this society. Quand il faut confronter une situation en termes de cette société, la société dans laquelle on vit, on peut vraiment y arriver que du point de vue spirituel, à moins que vous soyez riche, millionnaire. It was about nothing. So it was most important still to devote. That's why I felt without. Bon, le reste c'était rien. C'était giving his time to the spirit. He was like. It didn't matter to give his time to the people because the people. C'est pour ça il a compris que lui c'était important de donner son temps à ses recherches spirituelles. C'était beaucoup plus important que donner son temps aux gens, au public, parce que ça c'est une quête qui en fait finit jamais, c'est sans fin. À 200-300 mètres, on se reconnaissait, on avait une marche, on avait une manière de marcher un peu bizarre et on se reconnaissait. Albert Ayler, Don Cherry, John Chikai, Roswell Rudd, Gary Peacock, Sonny Murray, New York Eye, and Ear Control, film de Michael Snow. When I had started to play with John Chikai in the New York Art Quartet, and c'était quand j'ai commencé à jouer avec Roswell Rudd dans le New York Art Quartet. A painter called Mike Snow wanted to make a film with music. On a entendu dire qu'un peintre, Michael Snow, voulait faire un film avec la musique. Made a montage on the music. Je pense qu'il s'y est pris en enregistrant d'abord la musique et en faisant ensuite well, un then montage. We got together in he had a big loft studio and we got together and had some rehearsals. On s'est rencontrés. And I remember it was right on before, l'a vu dans un studio. Albert Eiler went to on a répété. Europe. Et je me rappelle, c'était juste avant qu'Albert Eiler aille en Europe avec Don Cherry, Gary Peacock et Sonny Murray. Aussi, c'était un peu comme une soirée d'adieu. J'ai vu le film plusieurs fois. C'est très intéressant. Très intéressant de voir à quoi on ressemblait à cette époque. Plus tard, c'est sorti sur disque ESP. Le producteur était Bernard Stolman. C'est une partie de l'univers. Mais je l'acceptais simplement comme une source créatrice. Peut-être une des sources les plus vraies et les plus pures à laquelle j'ai eu accès quand il a commencé à jouer. That he was here. Et je l'aimais. Thank you. Yes, I would like to go over the J'aimerais parler de la première fois que j'ai rencontré Albert Eiler. Don Cherry. C'était à Copenhague. I was working with Sonny Rollins at the time. Je travaillais avec Sonny Rollins à ce moment-là. J'ai une tournée. Time to Europe. C'est la première fois que j'allais en Europe. Concert at the concert house in Copenhagen. And after the concert, maison de concert à this man Copenhague. Walked up to me. Après le concert, right away, ce type est venu me voir. I had known him before, you know, with sparkling eyes and a happy Il avait smile. Les yeux brillants et un sourire heureux. And I remember at that time, je me souviens qu'à ce moment-là, Sonny Rollins et moi, tuning up into the on essayait de s'accorder, de chercher type of music that he le genre de musique que we moi et lui faisions. Reaching, understanding of, et on, of why, on atteignait, you know, on arrivait à comprendre he knew I had the background of, pourquoi et comment il savait of que j'avais le jazz basics of chords and melody and why sometimes what I les mêmes notions fondamentales des, pour les accords et la mélodie music, you know, dans le jazz. And that particular evening, et ce soir, ce soir-là, après le concert, and everyone had left, tout le monde était parti. Sonny and Rollins, everyone seemed like everyone was going out of the theater, the concert hall. But j'avais l'impression que tout le monde était parti, mais we were still on the stage, moi et Sonny Rollins, on était restés speaking. Sur and, this man, la scène. Albert Eiler, was waiting et ce type, Albert Eiler, for me because we had planned attendait, il m'attendait, to go to the jazz club after. Parce qu'on pensait aller au jazz club après ça. And he patiently waited and, il attendait. And Sonny Rollins and I were marchant. Having a very deep discussion on et moi et Sonny Rollins, on parlait, on avait une discussion profonde sur la and, afterwards, musique. Albert and I went to en général, room and we sat and talked and I felt a moment I could feel après ça, the on est allé, j'ai parlé avec lui. J'ai senti vraiment la présence de quelqu'un. The gift and the voice in reflection of God. Qui avait vraiment le don et in, qui était la réflexion de Dieu. That I've et il n'y a pas eu beaucoup de fois dans ma vie où j'ai vraiment eu cette impression de quelqu'un qui portait en lui cette lumière comme musicien. Session in Vara Studio 5 door het Albert Eiler Quartet op 9 november 1964. Ghosts. Thank you. Ghosts, Albert Eiler, tenor saxophone, Don Cherry, cornet, Gary Peacock, bass en Sonny Murray, drums, ruim 6 jaar geleden in Il Versum, 1964. And afterward, as we finished talking, we ventured over to this club, the Montmartre. Après la conversation, on est allé au club de jazz. Don Cherry. And Don Baez was working in the club. Dexter Gordon et Don Baez qui jouaient là. You know, we at first just myself and Dexter, and I think. Au début, il y avait simplement moi et Dexter. Playing the piano or something. And I sat in and played a few songs with Dexter and Don Baez. So on a commencé à jouer. J'ai joué avec Don Baez et Albert had his horn and Albert avait. The club was very crowded, and I. Son saxo. Il y a beaucoup de monde dans le club. Two songs, I hadn't seen him. Then suddenly, je l'avais pas vu. Il était là dans un coin. Je l'avais pas vu. The piano. All of a sudden, I heard this sound. Et tout d'un coup, à côté du piano, j'ai entendu ce son. Albert était sur la scène. Il avait commencé à jouer. Je me rappelle pas du titre du morceau, mais. I remember the first time of me hearing Ornette Coleman. Je me rappelle la première fois que j'ai entendu Ornette Coleman. The first time of me hearing John Coltrane. La première fois que j'avais entendu John Coltrane. All I could hear and feel all this within his sound. Et tout ça, je l'entendais dans le son d'Albert. All that naturalness was in this man's sound. Et tout ce côté naturel, il l'avait. And to me, it was like the word had came back. Pour moi, c'était comme si le mot, le verbe était revenu. Vous savez, le verbe dans la Bible. Et ce verbe, c'était amour. Et on entendait dans le son que ce type avait. J'avais le sentiment que, vous savez, c'était comme quand j'étais jeune, que mon père me prenait, ma sœur et moi, et on allait à l'église. C'était une église baptiste. C'était tôt le matin, on allait à l'école du dimanche. The evening meeting and then the radio show that night. Et puis on écoutait la radio le soir. Puis ils venaient me chercher à l'école. Et le sentiment, enfin, ce que je sentais à cette. Feels the spirit in the room. C'est dans cette église et dans cette école, c'est chacun. J'avais l'impression que tout le monde était heureux, qu'il y avait un esprit dans la pièce, un esprit commun, on parlait le même langage. Et c'est tout ce sentiment d'un esprit qui est présent. Un feeling of bliss. And it happened to me and me hearing Albert Eiler play. Et c'était arrivé, c'était là ce soir-là avec Albert. Just strip down, pull off everything, and stand up and be a soldier. A soldier of Jesus Christ. He's calling for a soldier. I'm a soldier. But then after I myself didn't see Albert until après ça, j'ai plus vu Albert. Again in New York. Jusqu'à New York. Ça a été une très mauvaise période pour moi à New York. C'était juste après que je sois rentré à New York avec le Contemporary Five et Archie Shepp. Et c'était quand on a joint ce groupe de Eiler, Gary Peacock, Sonny Murray. I remember we started in Copenhagen. On est parti en Europe. On a eu l'opportunité d'aller en Europe. On est allé à Copenhague. This is pour cette tournée. I had been for one thing, we must understand like the melodies that Albert played. Il faut surtout comprendre que la mélodie que Albert jouait. You know, it's something that's a piece of work that's absolute of what they call art. Du travail qui est vraiment de l'art. On a ce sentiment de familiarité. Comme vous n'avez jamais vu ça avant et pourtant, vous avez l'impression que vous l'avez déjà entendu. Toutes ces mélodies avaient cette qualité. Et c'était tellement fort que les mélodies sonnaient même quand il improvisait, et on entendait quand même le son de la mélodie, ça sonnait. He's one of the first persons to il est un des premiers que je connaisse qui a joué des mélodies qu'il aimait, that were dear to him, qui lui étaient chères. And now it's happening more, you know, everyone else. Maintenant, on fait ça beaucoup. Now it's tout le monde. You can't actually. Class these melodies as on ne peut pas classer ces mélodies jazz. He wasn't doing it to be popular, du jazz. To, to get in the bandwagon and all that, you know. Il a voulu être pop pour être un peu dans these le. These melodies were something that was passed through him, I believe, mais ces mélodies spirit. Because I do not feel that a musician, I think he's only a filter. Je ne crois pas que c'est le musicien lui-même qui crée la musique. Il est seulement un filtre. And these melodies are a part of this. Ces mélodies sont. Preservation of quality. Sont une partie de sa qualité, enfin de sa capacité à préserver. This tour that we had made was cette pureté formelle. It was incredible. Albert Ayler, saxo-ténor, Don Cherry, trompette, Gary Peacock, basse, Sonny Murray, drums, CNC. Thank you. Albert used to look fantastic. He had Albert, oui, like il avait, a green leather il avait l'air suit fabuleux. That was made with, you know, like il avait un costume en cuir is it vert. Mm. Yes, tuxedo with the it was green leather with black. Ça, c'était du cuir vert here. Avec. Had a white leather tie and he had a il avait, long, il avait une cravate en cuir blanc coat, all the way down et un manteau en cuir noir. And then he had a tall, très long jusqu'au plancher. Russian fur hat, and he was et puis un grand chapeau. Was very beautiful. Un chapeau russe. C'était très beau. Before I continue on, I'd like to say avant my wife Moki, she knew Albert before I did. You know? Ma femme, il faut que je dise, ma femme a connu Albert avant so maybe que je l'ai connu. Explain like what he was going through. She knew. Peut-être elle peut vous expliquer quelle période il traversait, ce qui se passait pour lui à ce moment-là après l'armée. Vous savez, c'est un type qui n'aura jamais dû aller à l'armée. C'était pas son genre. This was in 1962. C'était en 1962. I think he must have spent about six months in Stockholm. Il avait passé six mois à Stockholm. First you heard some words somewhere. La première about fois. This man with his saxophone. And on a entendu parler de ce type avec son saxophone. Very strange. C'était étrange. This feeling of it because nobody knew how to receive this. Un sentiment étrange parce que personne ne savait comment écouter, comment recevoir sa musique. Like unknown, I mean, parce qu'au début, il était bon, inconnu quand même. Public sense. We met through a friend. I just on l'a rencontré art school myself. Par un ami. And then he, first time I heard him play was la première fois que je l'ai entendu jouer. My studio. C'était dans mon studio. Il avait apporté son saxo. I can't explain because je peux pas vous expliquer. Then it was the most fantastic experience. Là, c'était vraiment l'expérience la plus fantastique que j'ai eue. I just come from the country and I didn't know that anything like this existed. Parce que là, d'où je venais, moi, je n'aurais jamais pu deviner que quelque chose comme ça pouvait exister. J'ai entendu d'autres concerts, mais je ne pouvais pas m'imaginer. Somebody was speaking que quelqu'un for real about pouvait parler spirit being present pour de vrai here in the room sur vraiment close, le fait que l'esprit était présent vraiment dans cette pièce. A spirit and a presence that is embracing you une présence qui vous embrasse en un sens. Because Albert would also talk about parce this que Albert pouvait aussi parler sur sa musique. He would speak, explain, and to me this was very important. C'était très important pour moi. I would say it changed my life in ça a transformé ma the way vie, that I presque. Started to think of what I wanted to do with. J'ai commencé à penser d'une manière un peu différente et in work and ce que je voulais faire. I believe I simply discovered. He showed to me the. Il m'a montré that human being has il m'a montré que l'être humain a la possibilité express, la capacité de d'exprimer the message or become the message exprimer and le message d'être un message. Il avait beaucoup de difficultés to perform or to talk, play for people in Stockholm à jouer pour des gens misunderstood. À donner une performance parce que beaucoup de gens à Stockholm ne le comprenait pas, mais pourtant, people, ça marchait toujours pour beaucoup de gens. The most important person ça a été, c'était la personne la plus importante in the town à ce moment-là. Time. Conviction and compassion for those that he's about and those that he play about. Sa conviction était dans sa musique. Sonny Murray. Il semblait être très conscient de tout ce qui se passait dans le monde. Par exemple, il pourrait vous dire tout d'un coup ce qui se passait en Russie. Pas tellement sur le plan intellectuel, mais parce qu'il sentait, quoi. C'est comme s'il recevait des messages spirituels. Oui, il était accordé sur ce qui se passait. I felt that very strong in the spirits. Oui, moi aussi, je sais ce que c'était parce que je sens ça aussi. One thing that he really knew is that he was being controlled. Une chose qu'il savait vraiment, c'est qu'il était, dont il était sûr, c'est qu'il était contrôlé par les esprits. The big problem between the both of us was that we both pour nous, notre grand problème, c'était que nous deux, je veux dire quelque chose qui est un peu, va paraître un peu bizarre, parce que c'est vraiment quelque chose de la culture noire. On est nés avec un voile sur nos yeux. Et je peux voir. Je peux voir les formes dans l'obscurité, par exemple. Et Albert pouvait aussi voir. Il voyait, il était voyant. Et Don Cherry aussi, ça va lui arriver. Avec Al, on se disait des secrets sur notre vie. On les échangeait et ça nous faisait, on était très intimes. Dans un monde presque magique, un monde d'amulettes. Albert Ayler, Don Cherry, Gary Peacock, Sonny Murray, Hilversum 1964, Infant Happiness. Thank you. So we played the tour and Sonny Murray had to catch a troop ship back with the troops. Mais il fallait que Sonny Murray rentre en prenant un bateau de troupe. Car il ne pouvait pas faire d'économie, il a envoyé son fric à sa femme, Albert Ayler. Et puis Peacock, un jour à Amsterdam, est tombé dans les pommes parce qu'il faisait le régime macrobiotique avec les riz complets, etc. Il était allongé, il a fallu lui mettre un bac de glace sur l'estomac. La raison pour laquelle je parle tellement de Peacock, c'est parce qu'il était le meilleur bassiste que j'ai rencontré. Lorsqu'on était ensemble, on jouait tout simplement. On n'a pas besoin d'en parler. Avec les autres musiciens, il faut toujours en discuter un petit peu avant. Donc avec lui, on joue tout simplement. Donc Peacock a dû rentrer aux USA. Moi, j'ai quitté Amsterdam pour aller au Danemark. Et Sonny a pris le bateau de troupe pour les USA et moi aussi, je suis reparti frustré. Not understanding what and where everything was going, not understanding anything. Je ne comprenais pas où les choses allaient. Je ne comprenais rien. Je savais que j'aimais Charlie Parker, que j'écoutais Coltrane dans l'armée, c'est tout ce que je savais. Quand j'étais petit, j'allais écouter avec mon père Illinois Jacket et Big Red, qui jouaient avec Lionel Hampton au théâtre. So after that, I didn't understand what was happening. Après, je ne comprenais plus ce qui se passait. Je vivais dans une frustration pure, comme un fou. Quand je suis allé à Cleveland, je me suis mis à jouer dans ma chambre, mis à respirer comme ça, allongé sur le plancher. Puis je suis descendu, ma mère m'a dit, « Je ne crois pas que tu sois mon enfant, moi. » Lorsque j'étais à l'hôpital, le docteur n'a pas dû me donner le bon bébé. Il a dû se tromper. Cela m'a fait pleurer. J'ai pensé, personne ne me comprend. Personne ne comprend ce que j'essaye de faire. Et moi, j'essaye de comprendre. C'était une période très trouble. So when I play, go back to New York. Je suis retourné à New York. Cecil Taylor, il y avait là Ornette Coleman, Cecil Taylor, Sonny Rollins, John Coltrane, Sonny Rollins, et tous ces musiciens se réunissaient. Ce jour-là, Coltrane commençait à jouer. Started off. Eric Dolphy started playing. Eric Dolphy démarra aussi. Et quand moi, je commençais à jouer, quelqu'un dans le club s'est levé et a dit « Non, quitte le club, assez !» Mais je ne pouvais pas comprendre. Et Dolphy m'a dit « Toi, t'es le meilleur que j'ai jamais entendu. Reste avec ce que tu fais. Ne laisse personne arrêter ta musique. » C'est aussi ce que m'a dit un jour Errol Gardner, quelque part en Hollande. He was talkative, but you had to know him. Right. I mean, you know, such bad conditions in this country for somebody who's really truthful within himself, you know. That, il a eu un temps tellement difficile ici dans ce pays. Milford Graves. I mean, you take somebody like him who's been playing. Il a senti beaucoup de choses qui venaient de l'autre côté de l'Atlantique. Give no number of years, but I would say it was definitely that he was playing his horn, you know, and quelqu'un qui a joué pendant très longtemps, qui a joué ce qu'il a joué. Il sait qu'il est prêt. Il arrive ici en Amérique et les gens prennent ça pour une plaisanterie. Ça, c'est difficile à encaisser. Il venait avec des titres bizarres, Spirits, Ghosts. Et les gens disaient, vraiment, il est fou, il est bizarre, ce type-là. Il est superstitieux ou fou. Ça partait de la réalité, mais ça, je pense que c'était extérieur, que les gens ne comprenaient pas. Mais moi, je le voyais d'une manière très différente. Town Hall, 1er mai 1965, Bells. Albert Eiler, saxo ténor, Charles Tyler, saxo alto, Don Eiler, trompette, Henry Grimes et Lewis Worrell, basse, Sonny Murray, drums. C'était le 1er mai. Oui, j'ai voulu faire quelque chose moi-même parce qu'évidemment, il n'y aurait pas des concerts pour lui. Alors, Town Hall était assez prestigieux et je cherchais des revues, des critiques. Pour moi, c'était aussi une expérience très rare. On a bien joué et Bells, le disque Bells, est sorti de ça. 20 minutes. On a joué 20 minutes simplement et cessé. C'est devenu enfin le disque. Il n'y avait pas beaucoup de monde là-bas. On a vendu les billets et les tickets, mais le concert financièrement était un désastre. Alors, c'est à cause de ça, évidemment, qu'on était très inquiétés. Alors, à ce point, heureusement, je pouvais donner des chèques. J'ai fait des chèques et on était payé. Et tranquillité est revenue. Et on a joué. Ha ha ha! Comment est-ce que le public a réagi à Bell quand ça a été joué à Town Hall? Tumultueusement. Vous entendez les cris, le clapping. Sur le disque, il y avait de l'enthousiasme, les gens. Ah oui. À la fin du disque, vous entendez les cris. Le public s'est élevé. Excité, oui. Fantastic night. And that the band that he had. Oui, j'y étais. C'était un concert fantastique. Fabuleux. And beautiful band. L'orchestre qu'il avait réuni. And that the energy était vraiment soudé. Was really together. It was a very close unity in the group and they were playing fantastic music. Ils ont joué une musique like fabuleuse. Albert and Sonny Murray is like John Coltrane and Elvin Jones. Albert et Sonny, c'était comme John Coltrane et Elvin Jones. Their relationship between drum and saxophone was so. La communication entre le saxophone et la batterie était vraiment formidable. The idea was actually my brother's idea. En fait, c'était l'idée de mon frère de faire ça. Albert Ayler. Parce que honnêtement, à ce moment-là, on avait un peu assez de toute la situation. Mais lui, il était de la nouvelle génération, et il venait avec des nouvelles idées. Il avait cette idée de marche. Alors, il faut dire la vérité, c'était son idée, pas la mienne. C'est vrai. Oui, Bell's était son idée. Altogether, then I put in the intricate parts in between. Moi, j'ai juste fait les parties détaillées au milieu pour emporter la musique. Yeah, that part was my idea, but the beginning was my brother's idea. Mais le début, c'était l'idée de mon frère, qui avait cette idée de marche. I felt that Albert was swinging. You know, I felt Albert had. Albert avait vraiment libéré une nouvelle manière de swinging. Sonny Murray. Ce qu'il avait besoin, c'était d'être augmenté en un sens par les hommes, par ceux qui comprenaient ça. Moi, j'avais bien senti que la seule manière dont je pourrais développer ma musique, c'était en conservant cette pureté. C'était pas une question de vanité. Quand je jouais avec Albert, c'était. Je pensais pas tellement. Je pensais pas en termes de responsabilité. Et c'était une expérience, oui. C'était une expérience qui n'est jamais arrivée avec d'autres. Albert était tellement puissant. You see, he had a very organic type of thing going from his whole body, you know, and it wasn't just an intellectual. Il avait quelque chose de très organique. Milford Graves. Ça venait de tout son corps. I mean, people can tell by his tunes, the title of a lot of his tunes, that he was very involved with a sort of a spiritualism. On a dit. And this spiritualism. Qu'il était très engagé dans le spiritualisme. Understanding of himself. I mean, so when he really c'est played, cette spiritualité like his whole self qui lui a donné une compréhension de lui-même. Say, like, here's a tune or here's a particular composition. Il se mettait vraiment and lui-même like, I'm here and the composition dans ce qu'il is there. Jouait. I mean, you know, the composition himself is just one thing. You know? Lui-même and so therefore, et sa composition. Think of like two different things happening. It was one thing. I mean, in other words, like his whole concentration, his meditation. Il n'avait pas besoin de penser like sur all, deux plans all à la fois. Thing within himself. So, I mean, it gave him a quite different. Ça lui donnait l'unité et vraiment quelque chose de différent pour la sonorité. Le roi Jones. J'ai beaucoup écrit sur cette nouvelle musique noire. J'ai exposé des théories. J'ai essayé d'expliquer. Mais la musique en elle-même ne consiste, à vrai dire, en rien de tout cela. Qu'est-ce que nos paroles ont à voir avec les fleurs? Une rose n'est pas douce parce que nous expliquons sa douceur. Nous pouvons dire ce que nous voulons, nous n'aurons jamais la réponse d'une rose. Albert Heller a entendu et Ornette Coleman, et il a conduit la musique sur une autre voie, Spirits, Bells, Spiritual Unity, My Name is Albert Ayler. Albert Ayler est un maître aux dimensions stupéfiantes, et il est irritant de penser que bien des gens pourraient mettre longtemps à s'en apercevoir. Quelque chose est réellement en train de se passer, maintenant. Quelque chose s'est passé, bien qu'on l'ait en général ignoré, et que les critiques d'intelligence moyenne, le plus souvent des Blancs, les méprisaient, eux qui n'ont pas le sens du contexte émotionnel dans lequel cette musique est née. Ces noms-là, noms tout-puissants, personne ne devrait les oublier. Sonny Murray est un esprit. Écoutez-le battre et mugir dans Holy Ghost. Écoutez Lewis Worrell, Charles Tyler, Don Ayler. Ils peuvent vous dire quelque chose à quoi vous ne vous seriez jamais attendu. Écoutez Coltrane, Ornette, Sun Ra, Milford Graves, Chikai, Brown. Écoutez tous ceux qui sont magnifiques. Vous entendrez les poètes de la nation noire. Albert Ayler utilise l'ancienne religion pour sa propre quête. Spirits, ghosts, spiritual unity, angels. Sa musique ressemble aux morceaux religieux du vieux temps, à une sorte de musique de marche spirituelle, religieuse. De nouvelles croisades, pour ainsi dire. Truth is marching in, la vérité est en marche, est une excellente métaphore de ce que veulent faire Albert Ayler et son frère. La musique d'Ayler présente beaucoup de points communs avec les anciennes formes religieuses américaines noires. Les cris, les clameurs qui sortent des instruments, par exemple le saxophone, qui fut inventé par un Allemand et joué de façon légitime, comme disent les Blancs, c'est-à-dire avec des sons aussi éteints que le chant de feu Lily Pons à un enterrement. Ces cris sont transformés par Ayler, de même que par les membres de n'importe quelle église sanctifiée, Sanctified Church ou Holy Roller Church, les églises les plus noires, en hurlement d'un homme en quête de spiritualité. L'orchestre de Daddy Grace, sur la 125e rue et la 8e avenue de Harlem, dans le Grace Temple, est un orchestre de cuivre qui possède un peu la même instrumentation qu'un ensemble de cuivre européen. Mais aux lèvres des gens de Daddy, l'orchestre est free et produit des sons à faire tomber les murs de n'importe quelle ville. Les instruments crient et hurlent ainsi que les hommes. Ce sont leurs vies qui sont alors projetées. Et elles sont différentes des vies que Telemann ou Vivaldi cherchaient à recréer avec leur musique. Décembre 1965, Black Art, Sonny Murray drums, Don Cherry trompette, Henry Grimes et Lewis Worrell basse, Leroy Jones. Black art. Poems are bullshit unless they are teeth or trees or lemons piled on a step are black ladies dying of men leaving nickel hearts, beating them down. Fuck poems, and they are useful. Would they shoot, come at you, love what you are, breathe like wrestlers, or shudder strangely after peeing? We want live words of the hip world, live flesh and coursing blood, hearts, brains, souls splintering fire. We want poems like fists beating niggers out of jocks, or dagger poems in the slimy bellies of the owner Jews. Black poems to smear on girdle mama mulatto bitches whose brains are red jelly stuck between Elizabeth Taylor's toes. Stinking whores. We want poems that kill. Assassin poems. Poems that shoot guns. Poems that wrestle cops into alleys and take their weapons, leaving them dead with tongues pulled out and sent to Ireland. Knock off poems for dope selling wops or slick half-white politicians. Airplane poems. Fire and death to Whitey's ass. Look at the liberal spokesman for the Jews crush his throat and puke himself into eternity. There's a Negro leader pinned to a bar stool in Sardis, eyeballs melting in hot flame. Another Negro leader on the steps of the White House, one kneeling between the sheriff's thighs, negotiating coolly for his people. Stumbles across the room. Poem. Strip him naked to the world. Another bad poem. Cracking steel knuckles in a Jew lady's mouth. Poem. Scream poison gas on beasts in green berets. Clean out the world for virtue and love. Let there be no love poems written until love can exist freely and cleanly. Let black people understand that they are the lovers and the sons of lovers, and warriors and sons of warriors are poems and poets and all the loveliness here in the world. We want a black poem and a black world. Let the world be a black poem. And let all black people speak this poem silently or loud. Thank you. Well, at that time, that was around Christmas time, and à ce moment-là, c'était à l'époque de Noël. J'avais un petit bébé. Je ne voulais pas nécessairement faire ce disque, mais c'est Sonny Murray qui m'a dit, je te donnerai du fric si tu viens jouer. Albert Ayler, oui, c'est une partie de la structure en Amérique. Il avait l'argent. Il fallait qu'on fasse ce disque parce que l'enfant avait besoin de nourriture et des jouets. Je ne voulais pas le faire. J'avais pas le choix. Alors je l'ai donc fait. I don't know if I was sad. Je sais pas si j'en étais triste, mais il fallait le faire pour le gosse. I didn't necessarily want to pas nécessairement le faire. I didn't necessarily want to do it because I wanted to do my complete thing. I didn't want to be part of être partie de quelque chose d'étranger à moi. Je voulais juste faire mon truc unique à moi. I mean, we have to recognize. Il faut reconnaître that we articulate Archichep, que nous exprimons nos sentiments de frustration en tant que Noirs de plusieurs façons très différentes. Et on peut choisir de voir dans l'expérience d'Ayler un certain mysticisme dans son approche. Mais en fait, moi, je vois une signification politique qui est très spécifique. Il y a spécialement un morceau qui semble comme qui ressemble à la Marseillaise. Pour moi, c'est une chanson de marche, enfin. C'est peut-être un titre religieux, mais en fait, c'est une Yeah. Politique. Well, On doit voir la musique noire en d'autres termes que juste des termes d'enseignement didactique. We can't take these things just verbatim from the titles that they're given. For example, Train writes many things like expression. Train a écrit des pièces qui s'appellent par exemple Expression ou L'amour suprême. Mais dans ses poèmes, il y a beaucoup de militantisme. I think it's only reasonable to expect that. Et c'est normal de s'attendre à ce que that even if one were to write a great love poem, même si on veut écrire un grand poème d'amour, because of the contrast, il ne peut être grand qu'à cause du contraste. Parce que quelque part à l'intérieur de ce poème, il faut parler de ce que c'est de haïr. Thank you. Alors là, c'était mon idée à moi. Albert Ayler, ici en France pendant quelques années, cette idée m'est venue. Jouer à Paris, tout ça, j'avais des souvenirs, beaucoup de choses. J'ai pensé mettre tout ça dans la musique pour essayer de faire comprendre aux gens un peu plus. And then again, I didn't really have any basic affiliations in terms of, I hate to say it, but in terms, I don't either, in terms of love of our country. I mean, this was never. Albert a jamais vraiment d'amour spécial pour l'Amérique, pour son pays. Sonny Murray. Mais enfin, les marches, les hymnes nationaux, il les aimait bien, mais c'était plutôt pour stimuler pour établir des connexions entre les gens. Entre les peuples. À ce moment-là, il avait fait la Marseillaise, il avait aussi voulu faire l'hymne suédois. Il n'a jamais fait, je ne sais pas pourquoi. Mais il sentait que les gens n'étaient pas ensemble assez, quoi, se parlaient pas ensemble. Et il voulait que les gens communiquent davantage. Souvent, il a chanté ces hymnes. And then when I went to France, I used to whistle the tune, and all the cab drivers used to join me. Quand j'étais en France, je chantais le morceau de la Marseillaise aux chauffeurs de taxi et ils chantaient avec moi. Je connaissais tout, je connaissais toute la Marseillaise. And it's a very long arrangement. Et c'est long. A lot of people don't know, you know, the top lines. Like that part out of Bells. But that's out of, comme dans le morceau Bell. Il y a des passages. What was done with that was amazing, you know. C'était vraiment étonnant ce qu'il avait fait avec ça. Talking so fast, I don't know. Yeah. So after that time, it was close to à cette époque-là, c'était proche du moment où je suis venu jouer à Saint Pleyel avec Michel Sampson, et Bill Falwell. Bill Falwell, they both was like, ils avaient tous les deux moins de 25 ans. Very, you know, they could understand. Ils pouvaient comprendre. That's when the new generation le moment was où la nouvelle génération commençait en Amérique. That time, you know. And then, you know, from there, when I come here and I play, you know, the whole bit traveling. Funny thing, I was traveling with the Newport Jazz Festival. Je faisais tourner avec le Newport Jazz Festival. Je jouais le dernier partout où l'on allait. I met Albert Island. And I think the year of 19. J'ai rencontré Albert Tyler. 58. En 58. Beaver Harris. On était dans les soi-disant forces armées de ce pays. Quand il était un homme plus jeune. Il était dans l'orchestre militaire à Fort Knox dans le Kentucky. Il avait un son très puissant. Sa musique se rapprochait du honky tonk, du style honky tonk. J'entendais déjà qu'il avait beaucoup de choses à apporter à la musique. Et très vite, après ça, il a été envoyé en Europe. And like he ended up seeking for more musical expression. Il cherchait de nouvelles formes d'expression musicale. Je pense qu'il a trouvé des chances en Europe. Pas avec d'autres musiciens, non. C'était en lui, profondément en lui. Il y avait cette possibilité qu'il devait se développer. Il voulait être plus grand. I saw Albert again after. Plus tard, je l'ai revu. 58, I saw him again in 66. En 66. After the. And I think that's when we did the thing for Black Art. That's right. C'est ce moment-là qu'on a été au Black Art. The Black Art, Roy Jones. The new wave in jazz. Right. The nouvelle vague. C'était au Village Gate. Gate. Well, he developed his concept of freedom, not freedom. C'est à ce moment-là qu'il a développé son freedom in the sense that he had been looking for concept de liberté. Something to do with what he had been gifted with. C'est simplement dans un sens qu'il recherchait ce qui lui avait été donné. On essaye d'appeler ça free music ou avant-garde. Mais en fait, moi, je le connaissais de sa période honky-tonk. Et sa conviction, il vivait sa conviction à partir de ses racines. Il n'était pas un pur esprit. Il avait des racines. J'ai eu la chance de jouer avec lui. J'ai été avec lui en Europe. C'était quand ça? Oui, on a joué à Paris. C'était dans toute l'Europe. C'était environ 65. Moi j'ai été en 67. Mais ça c'était en 66. You went all around, you went in Stockholm and Paris. Vous avez été à Stockholm, oui, Stockholm, Paris. Bordeaux, that they call it, and we were in Switzerland. Suisse. 13 novembre 1966. Premier concert à Paris. Albert Ayler, saxo-ténor. Don Ayler, trompette. Bill Falwell, basse. Michel Sanson, violon. Beaver Harris, drums. Thank you. Il avait une spiritualité. Milford Grace. Il pensait qu'il était en contact avec des esprits supérieurs. Pour lui, c'était le niveau le plus important, le niveau spirituel. Il pensait qu'il communiquait avec l'être suprême, que c'était ce qui lui donnait ses forces. Il a vu des choses de ses propres yeux, et des choses sont arrivées qu'il avait prévues, qu'il avait prophétisées. Il n'a jamais vraiment formulé de notions techniques sur le plan musical. De toute façon, en parlant avec lui, on n'apprenait pas grand-chose à dire la vérité. Quand il jouait, c'était comme un esprit, sans forme particulière, sans contrainte, sans limite. On ne peut pas définir, ce serait en fait le réduire. Il ne permettait pas qu'on le définisse. Il cassait tout le temps les limites, il les dépassait. Mentalement, Heller avait quitté la Terre. On peut appeler cela auto-hypnotisme, mais au bout d'un moment, on a une foi, on croit en quelque chose, on continue à se dire à soi-même constamment la même chose. Il donnait des noms spirituels à tous ces morceaux jusqu'à ce que, physiquement, il parte véritablement dans un autre lieu. Et lui faisait ça sans drogue. Il essayait d'atteindre quelque chose à travers sa musique pour attirer les gens vers quelque chose d'autre, de nouveau. ORTF, Atelier de création radiophonique. Atelier de création radiophonique. My name is Albert Ayler. First part, Spiritual Unity. Par Daniel Coe, René Farabet, Jean-François Vallée. Assisté de Janine Antoine, Janine Groléas, Viviane Vandenbroek. Collaboration technique, Liliane Ozel, Marcel Grenier. Avec Roger Brett, Michel Garland. Témoignage. Mucky, Don Cherry, Milford Graves, Bever Harris, Sonny Murray, Archie Shepp, Alan Silva, Bernard Stolman, John Chitai. Texte, Le Roi Jones. Enregistrement. Summertime, Witches and Devils, New York Eye and Ears Control, Ghosts, Bells, Spirits Rejoice, Truth is Marching In. Document retrouvé. 1964, Hilversum, Copenhague. 1965, Black Art avec le roi Jones. 1966, Stockholm, Paris. Avec Albert Ayler. Cette émission a été diffusée pour la première fois le 28 novembre 1971. Vous pouvez la réécouter durant 1000 jours et la télécharger pendant un an à la page des nuits sur le site franceculture.fr. Conheço seu nome paradeiro, adivinho seu rastro e cheiro. Vou armado de dentes e coragem, vou morder sua carne selvagem. Varo a noite sem cochilar aflito, amanheço imitando seu grito. Me aproximo rondando a sua toca, e ao me ver você me provoca. Você canta sua harmonia louca, água me borbulha na boca. Minha presa rugindo a sua raça, pernas se debatendo em seu fervor. Hoje é o dia da graça, hoje é o dia da caça e do caçador. Hoje é o dia da graça, hoje é o dia da caça e do caçador. Eu espicho no espaço feito um gato, pra pegar você bicho do mato. Sacia sua avidez mestiça, que ao me ver se encolhe e me atiça. Que mesmo impulso me expulse e abraça, nossas peles grudando de suor. Hoje é o dia da graça, hoje é o dia da caça e do caçador. Hoje é o dia da graça, hoje é o dia da caça e do caçador. Fico a espreitar a fera, logo dou-lhe o bote certeiro. Já conheço seu dorso de gazela, cavalo brabo montado em pelo. Dominante não se desembaraça, ofegante é dona do seu senhor. Hoje é o dia da graça, hoje é o dia da caça e do caçador. Hoje é o dia da graça. da casa e do caçador.